Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le cinéma iranien. Révolution et création. Avec nous cette semaine... Je suis Agnès De Victor, je suis maître de conférence dans le département d'histoire de l'art, histoire du cinéma. Alors je suis Javad Zeini, né en Iran en 1968. Je suis Asal Bagheri, je suis sémiologue et je travaille sur le cinéma iranien. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Frodon, je suis critique de cinéma, journaliste, je suis également professeur à Sciences Po et dans une université en Écosse. Je suis Katayoun Shahabi, je suis productrice et distributeur international des films iraniens à travers le monde. Aujourd'hui, troisième épisode, les fondations en action. Tout pouvoir, toute personne au pouvoir aime le cinéma, surtout si celui-ci sert son pouvoir. L'Iran de l'Ayatollah Khomeini ne va pas échapper à cette règle à partir de 1979. Et puisque révolution il y a eu dans les rues, révolution il y aura également sur l'écran. Mais le ton est donné avec le régime théocratique. La légèreté et le badinage ne semblent guère désormais prisés. Va-t-on dès lors assister à un cinéma ennuyeux, ligoté, peu créatif ? Agnès De Victor, spécialiste du cinéma iranien. D'abord, la magie du cinéma iranien va être de conserver différents genres, malgré tout, hein, même si le drame social va dominer dans le cinéma populaire qui va se développer à partir des années 80, mais on va avoir des films qui vont rester pour certains très proches, malgré tout, des modèles hollywoodiens, adaptés à la société iranienne. On va avoir des comédies, on va avoir des films du genre du western, on va avoir des films de guerre, on va avoir des films d'amour, on va avoir du cinéma entre guillemets pour enfants. Donc on garde quand même une palette très étendue, d'autant plus que si le gouvernement veut maintenir une production cinématographique, s'il interdit les modèles précédents et qu'il limite de façon très drastique les films étrangers, il faut produire, et il faut produire des films qui intéressent le public. Ça ne sert à rien de favoriser une production si c'est pour qu'elle soit ennuyeuse. Personne n'ira la voir. On ne parle donc pas d'un cinéma d'auteur, on est en train de parler d'une grosse production destinée à la plus grande consommation possible. Mais quand je faisais référence à l'ennui éventuel, vous avez évidemment parfaitement saisi, Agnès De Victor, que si les ciseaux de la censure sont là ultra présents, les débordements, enfin les mouvements sont extrêmement réduits. De ce point de vue-là, a-t-on affaire, alors je vais le dire avec un autre mot, à un cinéma très normé? Alors oui, on a affaire à un cinéma normé, mais qui, à l'intérieur de cette norme, va développer énormément de stratégies et des films, si j'ose dire, très variés. Ce cinéma, certes normé, va permettre à des réalisateurs de s'exprimer de façon aussi extrêmement différente. Certains vont être même très populaires, hein. Je pense à un film comme Bachou, Le Petit Étranger, qui a été un film extrêmement populaire, diffusé, vu, adoré, et qui est sans doute l'un des chefs-d'œuvre du cinéma iranien, certes normé, mais qui correspond aussi non seulement à un goût public, mais à une exigence scénaristique, de jeu. Le système de production de l'époque, bien qu'étant hyper contrôlé, permet aussi à de nouveaux réalisateurs de chercher autre chose, de prendre des risques, à partir du moment où l'État va soutenir financièrement des films, va soutenir l'exploitation. On est aussi dans un cas où un cinéma différent va pouvoir explorer de nouvelles voies. Si on laisse, je vais être un petit peu dur, mais si le système était resté uniquement dirigé par le secteur privé, on aurait eu aussi une autre forme de normes et de formatage. Et paradoxalement, c'est aussi par cette politique de censure, de contrôle, de normes, etc. La politique menée par le ministre Ratami, Mohamed Ratami, qui deviendra après président de la République. Mais Ratami va permettre finalement, par ses soutiens, par le système de financement, par énormément de mesures et de dispositifs, à un cinéma souvent très audacieux esthétiquement, même politiquement, d'exister. Et c'est grâce à la variété. Le cinéma, il faut arrêter d'opposer films d'auteur, films commerciaux. C'est grâce aux films et commerciaux et d'auteur qu'on a cette variété-là. On serait presque tenté, Agnès de Victor, de faire un parallèle entre les mécanismes de construction et de production du cinéma tel qu'il est pratiqué en France par le Centre National de la Cinématographie, CNC, et le modèle existant en Iran, au sens où ce sont des cinémas qui vont savoir développer et entretenir une production interne, une production nationale, notamment par les mécanismes de mutualisation, en quelque sorte, de l'argent. Est-ce que ce parallèle vous paraît admissible ? Alors moi, c'est vrai que j'avais travaillé, quand j'ai fait ma thèse de sciences politiques sur la politique publique de la culture, et notamment par l'exemple du cinéma, j'avais été très frappée de mesures, je dirais, qui était cousine de celle du modèle français, puisqu'on peut vraiment dire qu'il y a un modèle français, avec un système très proche de l'avance sur recette, c'est-à-dire un système où l'État, finalement, va décider de financer des films qui, peut-être, n'auraient pas une reconnaissance publique forte et qui ferait que les producteurs privés auraient du mal à s'engager, que les distributeurs auraient du mal aussi à soutenir ces films. Mais grâce aux aides de l'État, ces films finalement finiraient par arriver jusqu'aux écrans. Je pense à un film comme Bachou, le petit étranger, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui a reçu une très grande reconnaissance publique, sans toutefois, si mes souvenirs sont bons, arriver à financer l'ensemble du film. Mais l'État trouve que finalement, c'est important d'avoir ce film-là, c'est important qu'il existe. Ce film n'a pas eu une reconnaissance internationale forte, hein, c'est pas du tout ce qu'on a appelé plus tard des films de festival. D'ailleurs, dénomination que je récuse beaucoup, mais là, on est vraiment dans l'exemple d'un film fait pour l'Iran, film très audacieux, financé par l'État, qui va même le censurer d'ailleurs. L'État va le financer et le censurer pendant quelques années. Et c'est sans doute l'une des grandes icônes du cinéma iranien des années 80, où l'État va finalement passer l'éponge économique. Donc on a un système proche de l'avance sur recette qui va aider, qui va être une aide sélective, en choisissant d'aider certains films. Il va y avoir énormément, et ça c'est proche du modèle français qu'on peut lui reprocher, plein de guichets. C'est-à-dire on va avoir une aide, par exemple pour la pellicule, parce que la pellicule coûte cher, se paye en devises. Les devises coûtent très cher. Donc là on va aider, l'État va donner, va subventionner des fois des producteurs pour avoir un taux préférentiel pour acheter de la pellicule, des caméras. Mais c'est aussi à double tranchant. C'est-à-dire que l'État va aussi aider les réalisateurs qui sont, on va dire, vraiment dans la norme. Donc, voilà, je ne veux pas du tout dire que c'est un système idéal. Je veux dire que oui, c'est un système contrôlé. Oui, c'est un système qui a privilégié ses auteurs et en même temps qui a permis à des films extrêmement audacieux, esthétiquement et politiquement, d'arriver sur les écrans. Comment comprendre, expliquez-nous ça à la fois le financement et la censure. C'était pas le même service, c'était pas les mêmes bureaux, mêmes étages. Alors c'est pas les mêmes bureaux, ça c'est très important. Comme je dis souvent, si le jour où j'aurai du temps, je ferai le jeu de loi de la censure en Iran, et le tout c'est d'arriver à la dernière case. Mais il y a certaines cases qui sont plus difficiles à passer. Et l'un des problèmes. Je m'inscris tout de suite. Hein. Je veux y jouer. L'un des problèmes, c'est qu'effectivement, la censure, c'est une censure préalable du scénario, mais qui va exister à tous les étages de la production du film. Et ce ne sont pas les mêmes bureaux. Donc il y a par exemple un bureau qui va, par exemple, censurer le scénario sur certains points. Vous allez reprendre votre scénario, le redéposer, finalement il est accepté. Après il va y avoir une censure des costumes, il va y avoir une sorte de censure du maquillage, il va y avoir une censure même des listes noires, hein, comme des listes noires comme presque à l'époque américaine, hein, où on va censurer tel artiste parce que on l'a découvert dans une soirée en train de boire une boisson non islamique ou dévoilée, et on va censurer pour une durée indéterminée certaines actrices, ou parce qu'elles ont divorcé, ou parce qu'elles auraient pu avoir des liaisons ou autres. Donc il va y avoir cette censure avant même que le tournage commence, puis lors du tournage, puis évidemment lors d'un premier montage, jusqu'à la sortie en salle. Mais chaque fois, c'est un bureau différent. Donc, et puis, comme on le sait, on peut très bien déposer un scénario. Le scénario, c'est pas un film. Et si j'ose dire, heureusement, et là aussi, la censure iranienne est très rigolote, des fois. Enfin, rigolote n'est peut-être pas le terme, mais en tous les cas... active. Active, mais adaptable. C'est-à-dire qu'on a des réalisateurs dont le principe cinématographique est justement de ne pas reposer sur le scénario. Je pense à quelqu'un comme Abolfaz Jalili, qui a été très actif dans les années 90. Bon, bah l'État a accepté, Monsieur Jalili travaille avec un scénario d'une page, prenons un scénario d'une page. Le danger, c'est quand même après, pour un producteur, la censure finale. Donc c'est aussi, comment est-ce qu'on va accepter d'investir énormément d'argent dans un film pour après risquer d'avoir une censure. On a eu des producteurs très audacieux. Pour ça, je pense notamment à un très grand film d'une réalisatrice, Rakhshan Banietemad, film qui s'appelait Narges, et qui a été censuré pendant 7 ans pour un seul plan. Et le producteur a tenu, hein, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu couper le plan et faire passer le film, et finalement le film a pu sortir des années plus tard. Mais il faut qu'un producteur ait les reins solides aussi, hein, pour accepter de risquer d'avoir un film censuré en fin de parcours, ou alors sans qu'il soit censuré. Il y a des formes de, on va dire, de fragilisation d'un film. C'est notamment, pendant longtemps, l'État choisissait la date de sortie d'un film, choisissait le niveau des salles dans lesquelles il allait être distribué, donc avec des prix des places plus ou moins élevés et puis des cinémas de plus ou moins bonne qualité. Et c'était aussi un moyen de mettre à l'écart un film. On pouvait autoriser un film et puis le faire sortir pendant le grand mois du deuil, le mois de Moharram, où presque toutes les salles sont fermées. Donc on censurait pas le film, mais on le tuait économiquement. Alors, il y a eu ce jeu-là très complexe, hein. Aujourd'hui, je pense que les règles sont modifiées, changent, évoluent, mais sont toujours présentes. Néanmoins, on a quand même eu un très grand cinéma. Et je ne veux surtout pas dire, contrairement à ce que disent des collègues, que c'est grâce à la censure qu'on a eu un très grand cinéma. Je ne le pense pas. Je pense que la censure est préjudiciable, quels que soient finalement les auteurs et les systèmes, mais en tous les cas n'a pas pu faire taire le talent, voire même le génie de certains grands maîtres du cinéma. Pour revenir à ce film interdit pendant plusieurs années à cause d'une scène, vous soulevez évidemment notre curiosité. Qu'y avait-il de si incongru, de si invisible, au sens à ne pas voir, surtout dans cette scène? C'était une scène à la Lubitsch, je dirais. Je vais reprendre très brièvement le petit synopsis de ce film. On était dans l'histoire qui se passait à la période de la République islamique, mais où un jeune garçon vivait de petits recels. Il était très jeune. Et un jour, en faisant un petit braquage, il rencontre une dame qui fait de même. Et il décide finalement de travailler ensemble, voire de vivre ensemble, parce que c'est aussi plus simple. Et pour ça, il contracte ce que l'on appelle un mariage temporaire en Iran, qui est une spécificité chiite, en tous les cas beaucoup plus pratiquée dans l'islam chiite que dans l'islam sunnite, et où le mariage est défini pour une durée déterminée par les deux parties. Et cette dame, bien plus âgée que ce jeune homme, lui dit: mais bien sûr, le jour où tu rencontreras une femme, et bien sûr, je m'éclipserai et tu vivras avec elle. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, et ce jeune homme tombait éperdument amoureux d'une jeune fille, et il va demander donc à sa femme de jouer le rôle de sa mère pour aller demander la main de la future épouse. Ce qu'elle va faire en ayant évidemment le cœur arraché. Et puis arrive aussi ce qui devait arriver, la nuit de noces, et cette femme va préparer la chambre nuptiale, qui est leur chambre, enlever ses photos, etc., et puis entendre le jeune couple qui arrive, monter dans l'escalier un demi-étage et assister à une scène déchirante pour elle, c'est-à-dire voir le marié et la mariée rentrer dans l'appartement. Et le plan qui a posé problème, c'est celui où on voit les petits escarpins blancs de la jeune épouse qu'elle enlève et les chaussures de l'homme, et un escarpin tombe d'ailleurs pour montrer un peu la précipitation. Et puis on a ce plan de porte, hein, tel que Lubitsch l'est filmé si bien pour répondre au code ACE, et on sait donc que l'homme et la femme sont ensemble, et ce plan a posé problème, mais la réalisatrice a tenu bon pour le garder. De Victor, d'autres acteurs vont jouer un rôle dans la construction de la production cinématographique à partir de l'ère de Khomeini et des ayatollahs qui vont suivre. C'est le rôle des fondations, la fondation Farabi, la fondation des déshérités et la fondation des martyrs. Qu'est-ce que c'est que ces fondations-là? Quel est leur rôle? Comment agissent-elles? Est-ce d'abord et essentiellement un rôle moteur en termes économique? Joue-t-elle un rôle sur le plan culturel? Si c'est le cas, quel est ce rôle? Pourriez-vous nous décrire ce paysage-là et le rôle des fondations? Alors, je vais répondre tout d'abord, parce qu'elle a un statut vraiment différent des deux autres, sur la fondation Farabi. Farabi, Al-Farabi, était un immense savant, qui a notamment beaucoup travaillé aussi sur l'optique. Et la fondation Farabi, c'est la grande société de production, distribution internationale du cinéma iranien, et qui va aussi être, pendant les années 80, le relais entre la profession et l'État, notamment, par exemple, pour prêter des caméras, trouver de la pellicule, etc. Donc, ils ont différentes branches. Ils vont être extrêmement actifs dans, et ça, c'est à souligner, de la coproduction. L'État iranien ne va jamais nationaliser le secteur cinématographique, mais va fonctionner beaucoup avec des coproductions, dont Farabi, producteur d'État rattaché à l'État au ministère de la Culture, va être un puissant acteur. Et dans la section internationale, ce sont eux qui vont représenter le cinéma iranien pendant des décennies et qui vont être un petit peu la vitrine du cinéma iranien à l'étranger. C'est une fondation qui est directement dépendante du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique. Jean-Michel Frodon. Ces fondations ont des vocations, comme ici, hein, très différentes, où le mot fondation, en fait, recouvre des situations, des pratiques, des raisons d'être extrêmement diverses. Après la Révolution, il va y avoir un très grand nombre de fondations. Alors là aussi, c'est assez complexe, parce que, comme vous le savez peut-être, le régime iranien issu de la Révolution est fondé sur un double pouvoir. Et donc, il y a à la fois le président de la République et le guide suprême. Et tout l'État iranien est double, avec toute l'administration et tous les organismes qui dépendent de l'un ou de l'autre. Ces fondations vont dépendre de l'un ou de l'autre. Il y aura, par exemple, pour ce qui concerne le cinéma, à la fois ce qu'on appelle, qui existe toujours, même si elle est fragilisée depuis une période récente, la Fondation Farabi. La Fondation Farabi est en charge du... C'est un peu l'équivalent du CNC, si on veut. C'est l'administration directement affectée à l'accompagnement public du cinéma dans toutes ses dimensions, et en particulier ses rapports à l'étranger. Si quelqu'un donne les passeports, comme vous disiez, c'est la Fondation Farabi. Mais la Fondation Farabi, elle dépend du ministère, qui lui-même dépend du président. Maintenant, les deux autres fondations dont vous parlez, ils sont extrêmement puissantes financièrement et elles vont répondre pour la Fondation des Martyrs à une fonction très importante qui va être celle au moment de la guerre Iran-Irak puis après la guerre d'aider les familles de mutilés et les familles de martyrs, et il va y en avoir énormément sur le sol iranien, et qui va gérer aussi aujourd'hui le souvenir et s'occuper, ce qui n'est pas moindre en Iran, de la mémoire des martyrs. Et pour vos auditeurs qui iraient par exemple en Iran et qui s'arrêteraient à Téhéran, vous serez peut-être surpris de voir des murs, des milliers de mètres carrés de murs, de peintures murales, où on voit notamment des martyrs. Et ces peintures murales qui maintiennent présentes dans la ville le souvenir de ces martyrs de la guerre, sont notamment réalisées par la municipalité de Téhéran et par la Fondation des Martyrs, qui reste très présente, on va dire financièrement, mais très présente dans l'espace public iranien et qui maintient ce souvenir là. Par ailleurs, il y a les fondations qui dépendent du guide et donc qui ont une dimension religieuse. Et pour tout simplifier, en Iran, énormément depuis la guerre Iran-Irak, qui est en fait ce qui a modélisé l'organisation du pays dans une large mesure, cette guerre de 8 ans, de 1980 à 1988, les fondations qui dépendent qui sont liées à l'armée, aux armées, puisqu'il y a plusieurs armées, il y avait l'armée qui existait déjà, il y a les gardiens de la Révolution qui ont été créés pour défendre le pays contre l'agression irakienne, et puis il y a ce qu'on appelle les Basiji, les volontaires, qui aujourd'hui sont des institutions milliardaires, plurimilliardaires, qui contrôlent l'essentiel des ressources du pays. C'est eux le vrai pouvoir en Iran. Et qui ont des fondations, dont des fondations culturelles, dont certaines s'occupent de cinéma, qui peuvent avoir un rôle significatif dans l'organisation de la production, de la distribution, y compris dans des directions un peu inattendues, c'est-à-dire que certaines des œuvres les plus inventives, les œuvres de recherche les plus créatives, voire les plus transgressives, ont pu exister grâce à des fondations religieuses qu'on n'attendait pas forcément sur cela, parce que c'est souvent tenu par des gens de très grande qualité. Il faut être conscient que les grands dirigeants iraniens sont des gens extrêmement cultivés, qui sont très au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Enfin, si on les voit comme des espèces de barbares abrutis et sanguinaires, on est très loin de à qui on a affaire, y compris si on n'est pas d'accord avec eux. Et que ces gens-là ont vite compris que c'était intéressant d'explorer des voies du langage cinématographique, parmi bien d'autres pistes, et de voir qu'est-ce qui en ressortait. Ils ont permis d'exister des films d'une certaine radicalité et esthétique, voire même politique. Effectivement, ils vont aussi produire des films à un moment, favoriser des auteurs. Je pense notamment à la fondation, il me semble que c'est la Fondation des Déshérités qui a produit un film de Mohsen Makhmalbaf qui est extraordinaire en 1988, qui s'appelle Le mariage des bénis, et qui est pour moi qui est le film qui va ouvrir un cinéma ouvertement critique contre le régime et contre ce qui est devenu la révolution. Ce film est donc financé par une institution, la Fondation des Déshérités, qui n'est pas directement, me semble-t-il, sous la coupe de l'État, mais en tous les cas qui est très proche, et qui va être un cinéma très critique. Alors je ne dis pas que tous les films vont être comme ça, mais en tous les cas, c'est notamment à l'intérieur de cette institution que Marmal Baaf a pu, on va dire, réorienter sa carrière, et notamment en faisant des films qui portent une charge très explicitement critique contre le régime, alors même que la guerre n'est pas finie, hein, qui commence à dénoncer les profiteurs de la guerre et qui dénonce aussi le fait que la société iranienne, en définitive, a continué à vivre, à prospérer pendant les années du conflit et n'est même plus capable d'intégrer ceux qui reviennent du front. Donc critique extrêmement dure, mais film qui a pu voir le jour en Iran, hein, comme ce sont un peu ces paradoxes iraniens, et qui est un film d'une force incroyable. Mais dans cet enchevêtrement concurrentiel, administratif, où il y a tous ces étages qui dépendent chacun d'un autre étage supérieur, dans quelle mesure un film, on peut peut-être prendre un exemple, si toutefois il existe, peut être autorisé par un canal et se voir interdit par l'autre canal. Est-ce que ce genre de choses existe ou bien chaque canal arrive à, disons, à avoir sa logique et son indépendance ? Non, j'ai pas connaissance qu'un film était littéralement, disons, soutenu par un des camps ou une des fractions du pouvoir et bloqué par d'autres. Ça s'est produit naturellement, mais ça s'est produit de manière feutrée et à l'intérieur de, qui fait qu'à l'arrivée, soit il a quand même été autorisé. Là où on repère beaucoup mieux des tensions, des contradictions, c'est notamment lorsque les films sont montrés à l'étranger et ont du succès à l'étranger, c'est-à-dire que pour beaucoup d'Iraniens, y compris au pouvoir, c'est un honneur et une satisfaction. Exemplairement, quand Abbas Kiarostami reçoit la Palme d'Or en 1997 avec Le goût de la cerise, et pour toute une autre partie du pays, ça prouve que que Kiarostami est un traître, ça prouve que on ne le récompense que pour nuire aux intérêts iraniens, aux intérêts du régime qui est au pouvoir. Et donc, à l'intérieur même de l'Iran, il y a des dissensions qui sont aussi bien d'ailleurs dans les appareils d'État que dans la presse, qui est largement l'écho des les journaux ou les chaînes de télévision sont associés à l'une ou l'autre partie du pouvoir, et dans la population elle-même. Il y a des facteurs de contradiction à l'intérieur du pays liés à qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qui finalement est bénéfique, qui demeure et qui se renouvelle même en permanence, puisque cette société dont on sait à quel point elle subit des formes dures d'encadrement, de répression, etc., est une société qui est tout sauf inerte, où il se passe des choses, il y a des dynamiques internes en permanence, il y a énormément d'énergie, qui pourrait dire ça a à voir simplement avec la démographie, c'est-à-dire qu'il y a une telle montée de la jeunesse en permanence que ça oblige des ajustements et des reconfigurations qui se traduisent dans les films et dans les politiques du cinéma ou les décisions publiques concernant le cinéma. Notre épisode était intitulé « Les fondations en action » avec aujourd'hui Agnès de Victor et Jean-Michel Frodon. Demain la suite avec un nouvel épisode « Film de genre, images de guerre ». Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.